Je suis louve solitaire, je rôdais loin de ma tanière. Quand un appât m'a tenté, le piège s'est refermé. J'ai essayé toute la nuit, en vain de me libérer. Épuisé, endolori, au matin tu m'as trouvé. Tu m'as emporté chez toi, impuissante ligotée. Je n'ai pas compris pourquoi tu ne m'avais pas achevée. Tu m'as couché sur ton lit et tendrement tu m'as soignée. Maintenant je suis guérie, mais je pleure ma liberté. Je me fous de ta tendresse, je suis fille de la taïga. Je me fous de tes caresses, je ne connais pas ta loi. Je veux le parfum du vent et la neige sous mes pas. Je veux sentir sous ma dent le sang tout chaud de ma proie. Tu vas me traiter d'ingrate, mais demain je m'enfuirai. Comprendras-tu que j'ai hâte de retrouver la forêt? Je suis louve solitaire, je retourne à ma tanière. N'essaie pas de me garder, tu pourrais le regretter. Je ferai semblant de me soumettre et quand tu ne t'y attendras pas, je redeviendrai la bête qui hurlait au fond des bois. Une nuit de pleine lune, que renaîtra ma rancune, je te mordrai dans le dos, tu ne l'oublieras pas de sitôt. Tu ne sauras pas te défendre, c'est toi qui seras maté, et la corde pour te pendre, c'est toi qui l'auras tressée. Oh, ne me mets pas de chaîne, ne me mets pas de collier, ça te ferait trop de peine le jour où je les briserai. Mais si tu as la patience, tu pourras m'apprivoiser, tu pourras tuer ma méfiance en me laissant ma liberté. Tu pourras venir me voir tout là-bas au fond des bois, et au cœur de la nuit noire, je guetterai le bruit de ton pas.